France Inter. François Morel, c'est à vous. Ma chronique de la semaine dernière, et je n'en suis pas surpris, n'a pas été sans susciter de nombreux commentaires. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous la rappeler. Si. Bon, toujours est-il que j'ai reçu un nombre considérable de messages d'auditeurs venant prolonger ma pensée, poursuivre ma réflexion, aiguillonner mon raisonnement. Qu'ils en soient ici remerciés. Et lorsque je dis un nombre considérable de messages d'auditeurs, je n'exagère pas, puisque j'en ai reçu très exactement deux. L'un de ces deux auditeurs est par ailleurs une personne connue de moi personnellement, puisqu'il s'agit de François Salaire, le sémillant papa d'un ami mien, Antoine Salaire. Le second auditeur qui a réagi à ma chronique de la semaine dernière est à mes yeux un parfait inconnu qui a directement envoyé son message à la médiatrice de Radio France, que l'on contacte habituellement quand on trouve qu'au jour d'aujourd'hui, malgré qu'on fait des efforts, on peut pas s'empêcher d'être obnubilé du coup au niveau des aéropages de formulation qui impactent malaisément la langue française en cumulifiant des tournures déceptives. Je rappelle donc que le sujet de la chronique de la semaine dernière était l'odonymie. Qu'est-ce que l'odonymie, Jérôme ? Voilà. Claude, Élodie, et que... Les rues, c'est ça, le nom des rues. L'odonymie est l'étude des noms propres désignant les voies de communication. Fort à propos, monsieur François Salaire m'apprend qu'à Mulhouse, pendant l'occupation allemande, il existait une voie de la ville baptisée rue Adolf Hitler et que cette rue, après la guerre, a repris son nom d'origine qui était rue du Sauvage. Monsieur Salaire a compris qu'à travers mes chroniques, il n'était pas interdit de se cultiver tout en se distrayant, je dirais même la rigolade, pourquoi pas, si elle est soutenue par une vive érudition. L'auditeur qui a laissé un message sur le site de la médiatrice m'écrit le message suivant. Juste une petite réflexion sur votre billet sur les noms de rues de nos agglomérations. Il existe dans le 12e arrondissement de Paris une place sans nom. La municipalité a voulu la débaptiser dernièrement face au tollé des riverains. Elle reste la place sans nom. La place sans nom est située à l'emplacement de l'ancienne barrière de Picpus. Elle forme un carrefour avec le boulevard de Picpus, le boulevard de Reuilly, la rue Louis Braille et la rue de Picpus. Place sans nom, on rencontre des passants qui se présentent en disant « mon nom est personne ». Et puisqu'on évoque la place sans nom, souvenons-nous de Marcel Aimé et de Pierre Chenal et du Café Minche, où l'on boit plus que de raison, et de Fréhel, tiens, dont la voix, je le remarque pour m'en étonner, est absente de la playlist de France Inter depuis plusieurs semaines. C'est une petite rue, c'est le bout du monde. Il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Merci à vous, François Morel. Écoute pas jusqu'au bout. Pour Frêle et pour le reste, il est déjà 9h. Vous êtes sur la scène du théâtre du Rond-Point à Paris. Claude chantera magnifiquement Frêle, peut-être avec vous sur la scène du Rond-Point prochainement. Tous les marins sont des chanteurs, c'est jusqu'au 3 juillet. Vous êtes dans l'embellie avec Eva Bester, dimanche matin à 10h également. France Inter.